Chapitre 3. Le nez de Grive. Shelley était un jeune gentleman aussi raisonnable qu'il pouvait jamais espérer l'être. C'était un poète, et les poètes ne sont jamais des gens tout à fait raisonnables. Ce sont des gens qui méprisent l'argent et vivent au jour le jour. Il avait donc ce qu'il lui fallait pour la journée et 5 livres par-dessus le marché. Aussi, en se promenant dans les jardins de Kensington, il fit un bateau en papier avec son billet de banque et le lança sur la serpentine. Il atteignit l'île à la nuit et le veilleur l'apporta à Salomon Cow, qui pensa d'abord que c'était, comme à l'ordinaire, la lettre d'une femme, disant qu'elle lui serait reconnaissante s'il pouvait lui faire avoir un bon enfant. Elle demande toute le meilleur qu'il a. Si la lettre lui plaît, il envoie un enfant de la première classe. Mais si elle lui déplaît, il en envoie un ridicule. Quelquefois, il n'en envoie pas du tout. Et d'autres fois, il en envoie une nichée. Tout dépend de la façon dont on sait le prendre. Il aime qu'on lui laisse toute l'initiative, et si on lui indique expressément qu'on espère qu'il fera en sorte que ce soit un garçon cette fois, il est presque sûr qu'il enverra encore une fille. Enfin, que vous soyez une dame ou seulement un petit garçon qui désire une petite sœur, prenez toujours la peine d'indiquer clairement votre adresse. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'enfants pour lesquels Salomon s'est trompé d'adresse. Quand Salomon eut ouvert le bateau de Shelley, il fut très embarrassé et il prit l'avis de ses conseillers. Ceux-ci ayant marché 2 fois sur le billet, la première fois avec leurs orteils tournés en dedans, décidèrent qu'il venait d'une personne gloutonne qui désirait 5 enfants. Ce qui le leur faisait croire, c'est qu'il y avait un grand 5 imprimé sur le billet. « C'est insensé !» cria Salomon en colère, et il donna le billet à Peter. Tout ce qu'on trouvait d'extraordinaire dans l'île était habituellement donné à Peter comme jouet. Mais Peter ne joua pas avec le précieux billet, car il savait ce que c'était, ayant beaucoup observé pendant la semaine où il avait été un petit garçon comme tous les autres. Avec tant d'argent, il réfléchit qu'il pourrait sûrement finir par atteindre les jardins. Il réfléchit à tous les moyens possibles, et il décida, sagement je pense, de choisir le meilleur. Mais d'abord, il devait apprendre aux oiseaux la valeur du bateau de Shelley. Quoiqu'ils fussent trop honnêtes pour le lui redemander, il vit bien qu'ils étaient froissés. Ils jetaient des regards si noirs à Salomon que celui-ci, qui avait plutôt une haute idée de son habileté, s'envola au bout de l'île, où il se posa très abattu et cachant sa tête sous son aile. Peter savait maintenant qu'on ne pouvait rien faire dans l'île si l'on avait Salomon avec soi. Il le suivit donc et s'efforça de le réconforter. Mais Peter fit plus encore pour se concilier la puissante bienveillance du vieux Salomon. Il faut que vous sachiez que Salomon n'avait pas l'intention de rester au pouvoir toute sa vie. Il songeait à l'avenir et désirait prendre sa retraite pour consacrer sa verte vieillesse à une vie de plaisir sur un certain if des figues qui l'avait séduit, et pendant des années il s'était occupé tranquillement à remplir son bas. C'était un bas qui avait appartenu à un baigneur et qui avait été jeté sur l'île. À l'époque dont je parle, il contenait 180 miettes, 34 noix, 6 croûtes, un essuie-plume et un lacet de souliers. Quand son bas serait plein, Salomon calculait qu'il pourrait alors se retirer et vivre de ses rentes. Peter lui donna la valeur d'une livre qu'il tira de son billet avec la pointe d'un bâton. Il s'assura de la sorte l'amitié éternelle de Salomon. Ensuite, après s'être consultés, ils convoquèrent l'assemblée des grives. Vous allez voir pourquoi les grives furent seules convoquées. L'ordre du jour avait été en réalité établi par Peter. Mais ce fut Salomon qui parla surtout, car il devenait bientôt grincheux si c'était d'autres que lui qui parlaient. Il commença par dire qu'il avait été très impressionné par l'habileté supérieure déployée par les grives dans la construction des nids, et ce début les mit de bonne humeur, comme il était nécessaire. En effet, les débats entre oiseaux portent toujours sur la construction des nids. Les autres oiseaux, dit Salomon, négligent d'enduire leur nid de boue, ce qui fait qu'ils ne tiennent pas l'eau. Là, il redressa la tête comme s'il avait présenté un argument irréfutable. Mais par malheur, Madame Pinson était venue à la réunion sans y être invitée, et elle se mit à piailler. « Nous ne construisons pas des nids pour tenir l'eau, mais pour tenir des œufs. » À ces mots, les grives cessèrent de se réjouir, et Salomon fut si embarrassé qu'il prit plusieurs gorgées d'eau. « Considérez, dit-il enfin, quelle chaleur la boue donne au nid. »« Considérez, cria Madame Pinson, que si l'eau se met dans le nid, elle y reste, et que vos petits sont noyés. » Les grives prièrent Salomon du regard de faire une réponse écrasante à cette objection. Mais il fut de nouveau embarrassé. Buvez encore un peu, suggéra ironiquement Madame Pinson. Elle s'appelait Catherine, et toutes les Catherines sont effrontées. Salomon but encore un peu, et il retrouva son inspiration. Si un nid de pinson, dit-il, est placé sur la serpentine, il se remplit et se brise, tandis qu'un nid de grive demeure aussi sec que le dos d'un cygne. Grands applaudissements parmi les grives. Maintenant, elles savaient pourquoi elles enduisaient leur nid de boue, et quand Madame Pinson voulut répliquer « Nous ne plaçons pas nos nids sur la serpentine », elles firent ce qu'elles auraient dû faire dès le début, elles la chassèrent de l'assemblée. Après cette expulsion, l'ordre se rétablit. Le motif de la convocation, dit Salomon, était le suivant. Leur jeune ami, Peter Pan, qu'elle connaissait bien, désirait vivement pouvoir arriver au jardin, et il se proposait, avec leur aide, de construire un bateau. À ces mots, les grives commencèrent à s'agiter, et Peter trembla pour son projet. Salomon se hâta d'expliquer que ce qu'il voulait faire, ce n'était pas un de ces lourds bateaux dont les hommes se servent. Le bateau auquel il pensait devait être simplement un nid de grives assez grand pour contenir Peter. Mais de nouveau, au désespoir de Peter, les grives se montrèrent peu enthousiastes. « Nous sommes très occupés, grognèrent-elles, et ce ne serait pas une petite affaire. » « Parfaitement, dit Salomon, et bien entendu, Peter ne voudrait pas que vous travailliez pour rien. Vous devez vous rappeler qu'il est maintenant dans une situation aisée. Il vous donnera des gages comme vous n'en avez encore jamais eu. Peter Pan m'autorise à vous dire que vous serez toutes payées à raison de 12 sous par jour. » Alors toutes les grives sautillèrent de joie, et le même jour fut commencée la fameuse construction du bateau. Toutes leurs affaires courantes furent laissées en suspens. C'était l'époque où elles s'accouplent, mais aucun nid de grive ne fut construit à part le gros, si bien que Salomon fut bientôt à court de grive pour fournir aux demandes du continent. Les petits, gros et gloutons qui parlent si bien quand on les porte en voiture, mais qui se gonflent facilement en marchant, étaient tous de jeunes grives, et les dames en demandent souvent. « Que pensez-vous que fit Salomon ? Il lança une bande de moineaux sur les toits et leur ordonna de mettre leurs œufs dans les vieux nids de grives. Puis il envoya leurs petits aux dames et leur jura que c'était des grives. Cette année fut connue plus tard dans l'île sous le nom d'année des moineaux, et quand vous rencontrez dans les jardins des oiseaux qui se gonflent et s'enflent comme s'ils se croyaient plus gros qu'ils ne sont, c'est qu'ils sont très probablement de cette année-là. Vous n'avez d'ailleurs qu'à le leur demander. Peter était un maître équitable. Il paya ses ouvriers chaque soir. Il se tenait en rang sur les branches, attendant poliment qu'il eût découpé 12 sous de papier dans son billet. Il les appelait à tour de rôle, et chaque oiseau, à l'appel de son nom, descendait en volant et touchait 12 sous. Ce devait être véritablement un beau spectacle. À la fin, après des mois de travail, le bateau fut terminé. Oh, l'orgueil de Peter, à mesure qu'il le voyait grandir et prendre la forme d'un énorme nid de grives. Dès le début de la construction, il dormit auprès de lui, et il s'éveillait souvent pour lui adresser des paroles de tendresse. Et quand il eut été enduit de boue et que la boue eut séché, il se coucha tous les soirs dedans. Il dort encore dans son nid, et il a même une façon séduisante de s'y coucher en boule, car il est juste assez grand pour le contenir roulé en boule comme un chat. Ce nid est brun à l'intérieur, naturellement, mais à l'extérieur il est plutôt vert, étant recouvert d'herbes et de branches. Et quand elles sont flétries ou mortes, les parois sont de nouveau recouvertes de chaume. Il y a aussi quelques plumes, çà et là, que les grives y ont laissées en le construisant. Les autres oiseaux furent extrêmement jaloux. Ils dirent que le bateau ne flotterait pas sur l'eau. Mais il demeura immobile, ce qui est beaucoup mieux. Ils dirent que l'eau y entrerait, mais l'eau n'y entra pas. Enfin, ils dirent que Peter n'avait pas de rame. Et à cette remarque, les grives se regardèrent entre elles consternées. Mais Peter répliqua qu'il n'avait pas besoin de rame, puisqu'il avait une voile. Et d'un air orgueilleux et joyeux à la fois, il présenta une voile qu'il avait fabriquée avec sa chemise de nuit, et bien qu'elle ressemblât plutôt à une chemise de nuit, elle faisait une belle voile. Cette nuit-là, la lune étant dans son plein et tous les oiseaux endormis, il entra dans son bateau de pêcheur, comme aurait dit M. Francis Pretty, et partit de l'île. D'abord, sans savoir pourquoi, il tourna ses regards vers le ciel, les mains jointes, puis ses yeux se fixèrent sur l'ouest. Il avait promis aux grives de ne faire au début que de petits voyages en les prenant pour guides. Mais il vit au loin les jardins de Kensington qu'il appelait sous le pont, et il ne put plus attendre. Sa figure était rouge, mais il ne regarda pas une fois en arrière. Il y avait dans son petit cœur une exaltation qui chassa toute crainte. Peter était-il le moins brave parmi les marins qui ont mis à la voile pour aller à la recherche de l'inconnu? D'abord, son bateau se mit à tourner au nord et il fut ramené à son point de départ. Puis, ayant cargué la voile en tirant sur une des manches, il fut entraîné par un vent contraire, non sans grand danger. Il lâcha la voile et fut emporté vers le rivage lointain où se dressaient des ombres dont il soupçonnait le danger s'il ne le connaissait pas. Alors il guinda de nouveau sa chemise de nuit et s'éloigna des ombres jusqu'à ce qu'un vent favorable l'eût pris pour le porter vers l'ouest. Mais avec une telle rapidité qu'il faillit se briser contre le pont. Ayant échappé au danger, il passa sous le pont et arriva, à sa grande joie, en vue des délicieux jardins. Mais, ayant essayé de jeter l'ancre, représenté en l'espèce par une pierre attachée au bout de la corde du cerf-volant, il ne trouva pas le fond et fut obligé de chercher à jeter des amarres. Comme il faisait des tentatives dans ce but, il alla donner contre un récif pointu et il fut jeté par-dessus bord par la violence du choc. Mais, après avoir failli se noyer, il put grimper de nouveau sur le vaisseau. Alors s'éleva une forte tempête, accompagnée d'un rugissement des eaux tel qu'il n'en avait jamais entendu. Il était ballotté en tous sens, et ses mains étaient tellement engourdies par le froid qu'il ne pouvait pas les fermer. Ayant échappé à ce nouveau danger, il arriva dans une petite baie où son bateau put jeter l'ancre tranquillement. Cependant, il n'était pas encore en sûreté. Quand il voulut débarquer, il trouva une multitude de petits êtres accourus sur le rivage pour défendre leur territoire, et lui criant d'une voix perçante de s'éloigner, car l'heure de la fermeture était passée depuis longtemps. Et en même temps, ils brandissaient leurs branches de houx. Même une petite troupe apporta une flèche que quelque enfant avait laissée dans le jardin et se mit en devoir de s'en servir comme d'un bélier. Alors Peter, qui savait que c'était des fées, cria qu'il n'était pas un homme comme les autres, qu'il n'avait aucunement le désir de leur être désagréable, qu'il voulait au contraire être leur ami. Cependant, ayant trouvé un agréable refuge, il n'avait pas l'intention d'en sortir, et il les prévenait que, si elles lui voulaient du mal, elles en subiraient les conséquences. Ce disant, il sauta audacieusement à terre, et elles se pressèrent autour de lui avec l'intention de le tuer. Tout à coup, un grand cri s'éleva parmi les femmes. Elles venaient de remarquer que sa voile était faite d'une chemise de nuit de bébé. Et elles furent aussitôt prises d'un grand amour pour lui, navrées que leur giron fût trop petit pour l'embrasser. C'est là un fait que je ne puis expliquer, si ce n'est en constatant que c'est l'habitude des femmes. Les hommes du peuple fée avaient mis leurs armes au fourreau devant l'attitude de leurs femmes, car ils faisaient grand fond sur leur intelligence, et ils l'amenèrent fort civilement à leur reine, qui lui accorda courtoisement l'hospitalité des jardins après la fermeture. Dès lors, Peter put aller et venir à sa guise. Les fées avaient des ordres pour assurer ses aises. Tel fut le premier voyage au jardin, et vous pouvez voir, d'après le style même, qu'il se reporte à un temps très éloigné. Mais Peter ne grandit pas, et si nous pouvions l'apercevoir une nuit sous le pont, mais bien entendu nous ne pouvons pas, j'ose dire que nous le verrions en train de hisser sa chemise de nuit et de mettre à la voile ou de ramer vers nous dans son nid de grive. Quand il marche à la voile, il est assis, mais pour ramer, il se tient debout. Je vais vous dire maintenant comment il a eu sa rame. Longtemps avant l'ouverture des portes, il retourne en volant dans l'île, car il ne faut pas qu'on le voie. En effet, il n'est pas si humain que cela. Mais il a aussi du temps pour jouer, et il joue comme jouent les vrais enfants. Du moins, il le croit. Et c'est l'une des particularités attendrissantes de son existence. Il joue tout de travers. C'est que, vous le comprenez, il n'a personne pour lui dire comment jouent réellement les enfants. Et les fées, étant toutes plus ou moins cachées jusqu'au soir, n'en savent rien. Encore que les oiseaux prétendissent qu'elles pouvaient lui apprendre beaucoup de choses, il est admirable de voir combien elles en savaient peu. Elles lui dirent la vérité sur le jeu de cache-cache, mais les canards du bassin eux-mêmes ne surent pas lui dire ce qui rendait le bassin si attrayant pour les enfants. Le soir, les canards ont oublié tous les événements de la journée, sauf le nombre de morceaux de gâteau qu'on leur a jetés. Ce sont des gourmands, et ils déclarent que le gâteau n'est plus ce qu'il était quand ils étaient jeunes. Ainsi, Peter avait beaucoup à trouver par lui-même. Il jouait souvent à lancer des bateaux sur le bassin, mais son bateau n'était qu'un cerceau qu'il avait trouvé sur l'herbe. Comme de juste, il n'avait jamais vu de cerceau et se demandait comment on pouvait jouer avec un cerceau. Il décida qu'on s'en servait pour jouer au bateau. Son cerceau coula, mais il le repêcha, et parfois il le traînait gaiement le long du bassin, et il était tout fier d'avoir découvert ce que les petits garçons font des cerceaux. Une autre fois, ayant trouvé un seau d'enfant, il pensa que c'était pour s'asseoir, et il s'y assit si vivement qu'il eut toutes les peines du monde à en sortir. Il trouva aussi un ballon. Il était suspendu au-dessus de la bosse absolument comme s'il jouait tout seul, et Peter le prit après une chasse passionnante. Mais il pensa que c'était une balle, et comme Jenny Wren lui avait dit que les enfants poussent des balles avec le pied, il lui donna un coup de pied, et après, il ne put plus le retrouver nulle part. La chose la plus extraordinaire peut-être qu'il ait trouvée fut une voiture d'enfant. C'était sous un tilleul, près l'entrée du palais d'hiver de la reine des fées, c'est-à-dire dans le cercle des sept châtaigniers espagnols. Peter s'en approcha avec prudence, car les oiseaux ne lui avaient jamais parlé de cette sorte d'objet. Craignant qu'il ne fût vivant, il lui adressa poliment la parole. Puis, ne recevant pas de réponse, il s'approcha davantage et le toucha avec précaution. Il lui donna une petite poussée et la voiture courut un peu, ce qui donna à penser à Peter que, malgré tout, elle devait être vivante. Mais comme elle s'était éloignée de lui, il ne fut pas effrayé. Il étendit la main pour l'amener à lui, mais cette fois elle alla vers lui. Et il fut si effrayé qu'il bondit par-dessus les barrières et s'enfuit à son bateau. Il ne faut pas croire cependant que c'était un poltron, car il revint la nuit suivante avec une croûte d'une main et un bâton de l'autre. Mais la voiture était partie et il n'en vit plus jamais aucune autre. J'ai promis aussi de vous parler de sa rame. C'était une bêche d'enfant qu'il trouva près du puits de Saint-Govor, et il pensa que c'était une rame. N'avez-vous pas pitié de Peter à le voir commettre de telles erreurs? Eh bien, je crois que c'est une sottise de votre part. Naturellement, on peut avoir pitié de lui une fois en passant, mais il serait tout à fait déplacé d'avoir pitié de lui tout le temps. Il estimait qu'il menait la vie la plus magnifique dans les jardins, et une telle croyance équivaut à peu près à la réalité. Il jouait sans cesse, tandis que vous gâchez souvent votre temps à faire le chien fou ou Marie-Aniche. Lui ne pouvait faire ni l'un ni l'autre, car il ne savait pas ce que c'était. Or, croyez-vous qu'il y ait là de quoi le plaindre? Oh, qu'il était joyeux! Il était autant de fois plus joyeux que vous, par exemple, que vous êtes deux fois plus joyeux que votre père. Quelquefois, il était pris tout à coup d'un accès de joie sans mélange. Avez-vous vu un lévrier sauter les haies des jardins? Voilà comment Peter les sautait. Songez aussi à la musique de sa flûte. Des messieurs qui rentraient chez eux la nuit ont écrit aux journaux qu'ils avaient entendu un rossignol dans les jardins. Mais c'est en réalité la flûte de Peter qu'ils avaient entendue. Naturellement, il n'avait pas de mère. D'ailleurs, à quoi lui aurait-elle servi? Vous pouvez en être chagriné pour lui, car j'ai l'intention de vous raconter en dernier lieu comment il revit sa mère. Ce furent les fées qui lui donnèrent ce bonheur.